c'est bien mieux que l'on soit, qu'on y soit heureux. Et même si innocent, que l'alcool oui nous prenne aveuglément. Et j'y suis depuis des mois, et j'y vois, je n'y vois même plus droit. Et j'attends une main tendue, et j'attends celle, celle qui n'est jamais venue. À mesure, je perds pied quand je m'élance. On évite d'arriver par terre, et je tombe, et je tombe. Je garde de ce dernier verre un goût amer, un goût de mer qui me remonte. Et à trois, je m'évade, je prends mon souffle pour une dernière vague aussi loin que tes yeux. Oui, pourrais-je encore, encore attendre un peu, encore attendre un peu, encore attendre un peu, encore attendre un peu. À mesure, je perds pied quand je m'y lance. On évite d'arriver par terre, et je tombe, et je tombe. Je garde de ce dernier verre un goût amer, un goût de mer qui me remonte. J'étais de toi, aussi loin des convictions d'autrefois, d'autrefois. On s'abîme dans une rime, on s'enterre dans ce satané dernier verre, ce satané dernier verre, ce satané dernier verre, ce satané dernier verre. Satané dernier verre, ce satané dernier verre.